Chapitre 9e, sous le platane. Une jeune fille est agenouillée au pied d'un arbre séculaire. Elle prie et pleure, absorbée dans un chagrin profond. Ses mains tantôt se joignent, tantôt s'étendent, comme pour presser l'écorce lisse de l'arbre ami. Ses yeux tantôt se fixent sur le feuillage, tantôt se lèvent vers le ciel. « Oh, c'est ici que nous avons passé d'innocentes années, » murmura-t-elle. « Ici, l'espérance illuminait notre front. Sainte Mère des anges, ayez pitié du malheureux qui s'est égaré. Il n'y a que vous qui puissiez l'arracher à sa perte. » Une voix animée par la joie jeta alors ces paroles qui firent tressaillir la jeune fille. « Aurélia, ta prière fervente a été exaucée. L'arbre est à nous, et aussi le palazzo, et aussi tout l'héritage de mes pères. Dieu m'a tout rendu. Est-ce bien possible, oh mon frère ? Ne m'appelle plus ton frère. J'ai besoin d'être affermi dans mes bonnes résolutions. J'ai besoin d'être soutenu dans la vie et conduite par une main sage et attentive. Celle-ci qui s'est agenouillée ici ne se relèvera qu'avec le titre d'épouse. Daignerez-vous encore, Aurélia, après mes fautes, m'accorder le précieux trésor de votre amour ? Elle répondit avec un suave sourire. C'est sous cette ombre propice que nous joindrons nos mains. Le vénérable Salviano, averti en toute hâte par Tony, apparut dans le jardin. « Bonne nouvelle, mes enfants » dit-il du plus loin qu'il aperçut les jeunes gens. « Le bonheur vous fera plus ample mesure que jamais. » Valerio, sur l'invitation de sa sérénité, « il vient vous annoncer que la garantie criminelle avait seulement voulu vous infliger une leçon. Vos dignités vous sont rendues, voici l'étole, voici la médaille de Saint-Marc. » Tiepoli baisa respectueusement la main qui lui présentait ses insignes. « Merci, » dit-il, généreux ami, « restez notre père. Que ces demeures conquises sur un fourbe nous réunissent tous désormais. Elles seront douces, nos heures de paix et de loisirs. » La tradition populaire a conservé le souvenir de ces événements. Plus d'un Vénitien, en passant devant le Palazzo Tiepoli, se promettait de renoncer à la funeste passion du jeu et saluait par la pensée le platane sauveur qui, dans la légende, reçut le surnom de l'arbre d'or. Alfred des Essarts.